ce lundi à Assemblage Requis. On découvre de la nouvelle musique avec le bloc Télécharge Quoi de Maxime Lemularamé. Et on accueille pour la première fois notre correspondant Drummond Villois pour sa chronique Sortie des Boulamites. Tout ça et les voix énergiques et sensuelles de Kiwan et Mathieu à Assemblage Requis, lundi 15h.